Ouais, amigos. Vas-y, mon Guillermo. Très bien. Moi, je vous cache pas que bon, je suis inquiet pour ma vie sexuelle. Mon sgeg, c'est une PME comme une autre. Hein. On n'est pas à l'abri d'une faillite. Oh non. Déjà, à cause de cette hernie que je me suis faite en courant, je peux plus rien soulever. La prochaine fois que je vais Ken, ce sera comme Edouard Balladur. Edouard, prenez-moi fort. Je suis au max, là. Alors parlez-moi de Jean-Pasqua. Surtout, ça va devenir difficile de séduire avec des masques. Déjà, contexte, je sais pas comment c'est chez vous, mais en Belgique, au niveau masque, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Genre, le gouvernement, chez nous, ouais. On lui fait « Vous allez produire des masques pour la population ?» Il fait « Non, mais c'est obligatoire ou pas dans la rue ?» Et donc, il faut que les gens produisent eux-mêmes. Ouais. Du coup, on s'organise au niveau citoyen. Et là, j'ai un gros dilemme. Le pire dilemme de ma vie. Pire que la fois où Nagui m'avait dit « Tu préfères rester une heure dans une dent de Michel Houellebecq ou une heure avec Daniel Morin dans une baignoire sabot ?» Horrible. J'avais dû choisir à l'époque. Mais j'avais trouvé Michel charmant, d'ailleurs, figurez-vous. Charmant, érudit, à l'écoute. Il m'a montré sa cabane où il dort dans du compost. Il faut l'inviter. C'est contre-intuitif, mais il est sur Zoom. Hein. Alors, ici, gros dilemme. Il y a la maman d'une amie qui confectionne des masques en tissu et qui, adorablement, elle m'a proposé de me déposer un masque. Et j'en avais pas, donc ça m'a soulagé et tout. Mais après, j'ai ouvert le masque. Et le masque, il est un motif léopard. Alors, mon dilemme, il est le suivant. Je veux dire, je sais que c'est bien que la pandémie s'arrête et tout, hein. Je sais que je dois pas propager le virus, mais est-ce que je suis prêt à porter un masque léopard? Honnêtement, quand je le mets, je ressemble à Joe Exotic. Si ça se trouve, c'est deux strings cousus ensemble. C'est pas une vie des habits léopards. Moi, c'est l'un des seuls principes sur lesquels mon père, il était intransigeant. Fils, pas d'habits léopards. L'autre, c'était, voilà, si un inconnu te propose un bonbon, tu acceptes, hein. Il n'y a pas de petites économies. Moi, j'ai grandi en Belgique. Et je peux vous dire, des haribos, j'en ai mangé et j'ai jamais dû mettre un sou de ma poche, hein. Alors, je vous dis, je suis inquiet. Je suis inquiet pour ma sexualité avec ces masques. Moi, avant, pour Ken, je misais tout sur ma notoriété, hein. Mais là, il n'y a plus personne qui me reconnaît dans la rue. J'en parlais avec Nagui. Je lui disais, toi, tu vas faire comment? Et il m'a dit, bah, c'est simple, hein, j'imprime des masques avec ma propre photo, comme Laurent Delahousse. Et ça me fait bizarre, moi. Pour que les gens me reconnaissent, je suis obligé de me balader avec mon enceinte Bose. Je diffuse mes chroniques en rue. Et avant-hier, il y a un mec qui m'a fait « Ernesto, fils du pain perdu, c'est toi ?» J'ai dit « Mais oui, parfaitement, c'est moi !» J'avais les larmes aux yeux, je l'ai pris dans mes bras. Et voilà. Bon, depuis, on est confinés ensemble et tout. Mais c'est pas une solution durable, quoi. En plus, moi je veux bien que ça devienne un accessoire de mode. Mais le port du masque, ça va avantager qui ? Hein, les gens qui ont des beaux yeux, des belles arcades, des beaux cheveux. Mais tous ceux qui ont leurs atouts séduction en bas du visage, comment ils font, hein? Prends Noël ma mère, il va être obligé de cacher sa moustache, hein? Eh ben, Jean-Marc Morandini, ça valait bien la peine de se brosser si souvent les dents. Eh ben voilà, Didier Deschamps. Eh ben moi c'est pareil. Moi, combien de fois des femmes m'ont dit, ce que j'aime chez toi, c'est ton bouc. Eh ben là, fini, je pourrais tout aussi bien me le raser, hein? 7 mois de travail, ça. 7 mois de travail, ce bouc. Eh ben c'est vrai que c'est pas avec mes yeux de Bernard Lhermitte et mon début de monosourcil que je vais redémarrer l'activité, hein? Mais bon, voilà, donc dans le doute, je vais quand même finir par m'y faire à mon double string léopard, hein? Mais au fond du cœur, à Anne-Lise, merci, et aux gens qui cousent. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo.